Ce matin, la lune rousse étend sa lumière douce dans le ciel. La chaumière au loin s'allume, silhouette dans la brume irréelle. L'eau qui file entre les pierres va là-bas rejoindre la rivière. Dans les lueurs de l'aurore, c'est la nuit qui s'évapore lentement. Toute soulignée de givre, la nature veut revivre au printemps. Scintillante et solitaire, une biche regagne la lisière. Éphémères, trop vite oubliées, messagères d'un monde qui renaît. Tourne la lumière, les ombres et les reflets, comme dans un tableau de Claude Monet. Sous le soleil qui culmine, au-dessus de la colline, mille fleurs. Envahissent la pâture et jettent le long des murs leurs couleurs. Sur un buisson, une abeille, engourdie par un si long sommeil. Dans la brise qui s'élève, flotte le parfum d'un rêve envoûtant. Dans un jardin insolite, près des roses clématites, un lilas blanc. Et soudain du haut du ciel, une alouette qui chante à tire-d'aile. Couleurs éphémères, trop vite oubliées, messagères d'un monde qui renaît. Tourne la lumière, les ombres et les reflets, comme dans un tableau de Claude Monet. Neuf heures sonnent à la pendule, d'un crépuscule rouge et or. Tout s'efface et je devine la chaumière de la colline qui s'endort.